je ne veux point trop me vanter m'y même, car vous pouvez vivre inaction. Les dimanches avec une petite femme, un carret entouré de gardions. Ah, venez vivre comme j'ai le chic, à servir un pratique. Info que je suis un train, je répète, je peux dire frein. Voulez-vous faire bonne chère, venez manger de mes pintières. Accourez mes arcives, y'a des bons pintières. Il faut vivre comme je suis un presse, sitôt que j'ai allumé mes fût. Aussitôt qu'on s'infonde me graisse, ma premier pot de fière est retenu. Chacun suit une necmette, un temps station assiette, un criant, un se poussant, ami, ami marchand. Voulez-vous faire bonne chère, venez manger de mes pintières. Accourez mes amis, v'là des bons pintières frits. Malgré que n'est point de mécanique pour un décopé par saut, faut vivre l'habilité de lyrique à couper, toucher petits morceaux. Comme il faut aller vite sur un temps que je les débite. Femme fait des petits ça, des pages d'un almanach. Voulez-vous faire bonne chère, venez manger de mes pintières. Accourez mes amis, v'là des bons pintières frits. Et pour preuve que mes vigilantes, qu'ils ont bon goût et que j'ai du bon, j'ai en pratique des petites servantes qui viennent pour des bonnes maisons. Déjà on vient bancaire pour les banquets de pintières. Je n'ai vu plus d'infos sans pour les kélédos. Voulez-vous faire bonne chère, venez manger de mes pintières. Accourez mes amis, v'là des bons pintières frits. Si je m'amonte encore en pratiqué, j'agrandirai mon établissement. Et j'ai promis à une femme lilique d'y faire faire un petit rhabillement. Car elle désire d'avoir comme seule fin à la fois. D'ici un métier dur, un corps sustient un placio d'or. Voulez-vous faire bonne chère, venez manger de mes pintières. Accourez mes amis, v'là des bons pintières frits. On fait déjà concurrence, aussi je veux conserver le pompon. Avec mes femmes j'ai l'espérance qu'un jour on nous verra sur un pont. Alors Ticugus quittera les omnibus grâce à son petit sacré pour un cabriolet. Voulez-vous faire bonne chère, venez manger de mes pintières. Accourez mes amis, v'là des bons pintières frits.